le soir, si le soir, si le soir, si le soir, si la nuit, si la nuit, si la nuit, enfant de rêve, on part la peine. Elle chante encore plus fort dans le corps des gens. Pour nos rêves de géants. Les lumières brillent au fond, mille vies des grands. Dans les scènes qui s'allument quand nos cœurs sont sur ces bancs. Tirez-les. Un retour d'amour, une ambiance qui revient. tous ces petits fantômes qu'un passé détient. Premier flirt, un slow, première sur mon mono. Rendez-vous en cave au disque, le mérite d'un plaisir quand il devient. Bye.